Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet « Soutenir le podcast » sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. AIMSA. Cela fait plusieurs années que je m'intéresse aux écolieux. Mais avant de me lancer dans ce podcast, je ne connaissais pas les communautés de l'Arche, fondées en 1948 par Lanza del Vasto. Cet écrivain et philosophe, né au début du siècle précédent, a relaté dans son fabuleux ouvrage « Le pèlerinage aux sources » sa vie de disciple chrétien auprès de Gandhi. Il a été objecteur de conscience, milité contre la torture en Algérie et soutenu activement la lutte des paysans du Larzac qu'il a exhorté à l'action non-violente avec le succès que l'on connaît à ce mouvement. Décédé il y a 40 ans, Lanza del Vasto laisse ses communautés au monde en héritage. Une sorte de laboratoire de la non-violence et de la décroissance, un retour au travail manuel, à la sobriété et au partage, une vision de ce que pourrait être l'après-effondrement. Logeant et participant au quotidien de la communauté de la Borinoble dans l'Hérault, j'ai eu la joie d'interviewer Margaret Hiller, l'actuelle responsable de l'Arche au niveau international qui vit dans la communauté voisine de la Flessière, dont les habitants retrouvent chaque samedi leurs amis de la Borinoble pour danser. Après cette rencontre à la mesure de la beauté et de la simplicité de ma semaine passée dans les contreforts du Larzac, je ne peux que vous donner un conseil. Si vous avez besoin d'inspiration pour l'avenir, faites un séjour au sein des communautés de l'Arche. Vous trouverez sans doute celles qui vous appellent sur leur site arche-nonviolence.eu. Margaret Hiller, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence? C'est un chemin déjà de connaissance de soi. Regarder en face un peu ses propres violences, c'est ce que nous portons en nous, de la soigner éventuellement, de la travailler. Et ensuite, c'est les relations de tous les jours avec les autres, avec la personne que j'ai en face. C'est un chemin quotidien d'écoute et de travail sur cette relation avec l'autre. Pour moi, la non-violence concerne vraiment tous les plans de la vie. Ma relation au vivant, le respect de l'autre, le respect de tout ce qui vit, ma façon de consommer, ma façon d'agir dans la société, ma façon d'être face à l'injustice aussi. C'est une approche très globale, en fait, de la vie. Plus qu'une façon d'agir, c'est une façon d'être. Dans la communauté de l'Arche, je m'engage à m'avancer sur les chemins de la non-violence, force de vie et de vérité qui s'enracinent dans le travail sur soi et la recherche spirituelle et s'expriment dans le service et le partage, le choix d'une vie simple, le respect de tout ce qui vit et l'action pour la justice et la paix par des moyens non-violents. Il s'agit de la formule d'engagement à l'Arche, une sorte de serment que prêtent tous les engagés. Alors vous êtes la première personne que j'interviewe qui possède une telle expérience de la vie communautaire et la première que j'interviewe qui participe à l'Arche. En quoi le fait de vivre en communauté enrichit-il votre pratique et votre vision de la non-violence? Oui, juste peut-être une toute petite correction. On ne prête pas un serment. En fait, on se donne une direction de vie. C'est un objectif vers lequel on aspire. C'est important de le voir comme un chemin. Voilà, mais c'est un engagement que nous prenons et que nous essayons de réaliser ensemble. Vivre en communauté, c'est très exigeant, en fait. Hein. C'est très beau parce que je suis continuellement enrichie par l'altérité, par la différence de l'autre, culturelle, personnelle. Mais je suis aussi souvent confrontée à l'altérité de l'autre, c'est-à-dire à l'autre qui a une autre façon de voir, qui a ses travers comme moi, j'ai mes travers. Et en fait, vivre en communauté, ça me met en face de mes travers aussi. C'est comme un miroir quelque part qui m'est tendu. Du coup, ça demande un travail sur soi. Et nous disons souvent, si on veut vivre en communauté, on doit être prêt à ce travail sur soi. Et ça y est, dans notre engagement. Quand est-ce que vous êtes devenue membre de la communauté de l'Arche de la Flessière? J'ai connu la communauté en 89, mais j'étais toute jeune, hein, étudiante encore. Et je suis revenue plusieurs fois. J'ai connu mon futur mari ici. Et après, on est revenus ensemble en 94. Du coup, ça fait 27 ans que j'ai fait partie de cette communauté. Et est-ce que vous accepteriez de faire un retour en arrière avec moi et de faire revivre la Margaret de l'époque? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un mode de vie si particulier, radical, simple et collectif aussi? Mais je pense qu'il y a tout un cheminement depuis l'enfance quelque part. Hein. Mon père, il était pasteur protestant et il était déjà assez engagé pour la paix. C'est quelqu'un qui a été marqué très jeune, il a été marqué par la guerre. Du coup, il fait partie de cette génération allemande qui se sont dit plus jamais ça et qui sont travaillés activement pour la paix. Et je pense que ça m'a marqué. Après, très jeune également, je me suis engagée un peu pour des mouvements, les commerces équitables. J'étais sensible à l'injustice que je voyais au niveau mondial, les inégalités entre les différents pays, la pauvreté, etc. Et j'ai participé aussi, en étant jeune, à un grand mouvement de paix en Allemagne contre les missiles américains, le Pershing. On a fait des grandes chaînes humaines de 400 000 personnes. Et c'était un événement très fort. Ensuite, je suis allée, après mon bac, pour une année au Brésil. J'ai fait une année de service civil, hein, de volontariat, où j'étais confrontée aussi vraiment à des enfants venant des familles très, très pauvres. Et on s'est débrouillé avec les moyens de bord. J'ai connu aussi les mouvements des paysans sans terre. Et cette année-là, ça m'a beaucoup marquée. Et quand je suis revenue en Allemagne, j'ai eu vraiment comme un choc culturel de voir cette société si riche et tellement plongée dans la consommation que j'en suis presque tombée malade. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Moi, j'ai commencé mes études aussi, les sciences de l'éducation. Et ça m'a bien aidée, ce que j'ai trouvé du sens dans ces études-là, la vie d'étudiante. Mais j'étais toujours à la recherche un peu d'un autre modèle de vie plus solidaire, plus équitable. Et au bout d'une année d'études, on a fait des grèves. Et pendant ces grèves universitaires, un collègue m'a parlé de l'Arche. À l'époque, la communauté de la Flessière faisait des sessions d'introduction à la non-violence et à la philosophie de l'Arche en allemand. Du coup, j'ai assisté en 89 à une session comme ça, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Qu'est-ce qui vous a plu? Je pense plusieurs choses. C'était vraiment cet aperçu que j'ai eu de la vie communautaire, cette simplicité, le partage. Aussi la beauté, le chant, la danse qui jouent un rôle important dans notre vie. Mais vraiment cette aspiration d'un modèle de société autre qui n'est pas basé sur la compétition, sur la croissance et qui est basé sur le partage. Ça m'a beaucoup plu, oui. Et la place qu'il y avait, la spiritualité là-dedans. Et alors ensuite, comment vous en êtes venu carrément à changer de vie, quoi, à adopter cette vie? Oui, mais ça a mis quelques années, hein. Comme je vous ai dit, j'ai connu mon futur mari ici. Il était déjà, à l'époque, on disait compagnon, il était engagé. On a fait ses choix parce que je savais que pour lui, c'était très important. Et d'avoir les reculs là, des quelques années, on a vécu ensemble en Allemagne. Et je me suis vraiment rendu compte que je voulais aussi bien essayer cette vie avec toute son exigence et ses défis. Et ce n'était pas toujours facile au début parce que je venais d'un milieu étudiant, je ne savais pas faire grand-chose avec mes mains, bon, un petit peu. Hein. Mais ici, c'était quand même très basé sur le travail manuel. Voilà, il fallait que je trouve ma place là-dedans. Et alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement vivre à la Flessière? Alors, vivre à la communauté, c'est déjà un quotidien enraciné. D'un côté, c'est très terre-à-terre et d'autre côté, la journée est rythmée aussi par des moments spirituels. C'est-à-dire, il y a la possibilité de commencer la journée avec une méditation ou avec des exercices, si on préfère. Il y a du temps prévu pour ça. Et on commence la journée avec une prière œcuménique ouverte, où on se met en ligne face au soleil levant. Chaque matin, on écoute les textes d'une autre tradition. et on fait un chant et on se salue en se regardant dans les yeux. Après, il y a une petite réunion de travail pour organiser la journée et on épluche les légumes ensemble pour ceux qui sont disponibles à ce moment-là. Et après, chacun, chacune part dans son secteur de travail. Alors, ça peut être le jardin potager, la ferme, la fromagerie. On a des vaches qu'on traite à la main et on transforme le lait. On fait donc du beurre, de la tomme, du ghee, des yaourts, etc. Il y a un atelier de poterie. Il y a toujours aussi un peu de construction ou de l'entretien à faire. J'étais moi-même responsable du jardin potager pendant 15 ans et j'ai beaucoup aimé ce travail. Et ensuite, on se retrouve pour le repas du midi. C'est préparé par une personne et on le partage tous ensemble. Nos repas sont végétariens. Après, dans les familles, parfois, bon, chacun a un peu son régime, mais on y tient que les repas communautaires soient végétariens. Et l'après-midi, ça s'organise un peu comme le matin. Parfois, il y a des activités aussi. Il peut y avoir du chant ou on fait des réunions pour s'organiser, pour s'écouter aussi. Il y a des réunions de formation aussi sur la non-violence. Tout ça, c'est plus dans l'après-midi. Le repas du soir est pris en famille ou comme on veut, ou avec les autres. C'est libre, comme le petit déjeuner d'ailleurs. Voilà, il y a quand même une place importante pour les familles, pour les personnes qui ont besoin d'un espace personnel. On essaye de respecter aussi cet espace. Et on termine la journée ensemble avec une prière autour du feu, une prière qui a été écrite par l'Anta del Vasto. Il y a aussi de la place pour une expression libre, on peut exprimer sa gratitude pour la journée. Il y a encore un chant et à nouveau, on salue chacun, chacune en se regardant dans les yeux et on se dit bonsoir. On termine la journée ensemble. Et est-ce que pour vous, ces rituels ont toujours autant de sens ? Parce que c'est vrai qu'un rituel peut aussi devenir juste une habitude. Mmh. Comment vous ranimez chaque jour la flamme ? Alors, pour moi, ça a beaucoup de sens d'avoir ces rituels. Après, de temps en temps, je pense que c'est nécessaire de s'asseoir et regarder ensemble est-ce que cela nous convient encore ou est-ce qu'on veut peut-être changer. Et c'est vrai aussi, en communauté, on n'a pas toujours les mêmes besoins ou les mêmes approches au niveau spirituel. Bien évidemment, hein. Mm-hmm. Il y en a qui vont être vraiment contents de répéter les mêmes prières tous les jours et d'autres vont avoir plus besoin de peut-être de changer. Alors, on essaie de voir ensemble. Par exemple, on a créé maintenant un espace chaque semaine, le mercredi. On fait un moment de silence et il y a un texte qui est plutôt philosophique ou qui n'appartient pas à une tradition religieuse, proprement dite. On a pris cette décision pour donner de la place pour ceux qui ne se retrouvent pas du tout dans une approche religieuse. Il y a pas mal de personnes qui ont plutôt des expériences difficiles avec la religion. Du coup, on essaie de respecter aussi ces personnes-là en donnant une place plus au silence et à des textes philosophiques. C'est des petites évolutions, mais pour nous, c'était important. Tout est partagé. Comment ça se passe au niveau économique, au niveau de la nourriture ? Alors, notre modèle économique, mais on partage tous les rentrées, on peut dire. Tout le monde travaille pour la communauté. Et même ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai aussi une formation de professeur de yoga. Et j'ai donné des cours à l'extérieur. J'étais même assez engagée dans le yoga dans les écoles. J'ai réalisé des projets dans les écoles et je suis venue à former des enseignants pour les techniques de yoga à l'école. Mais tout ce travail qui était plus à l'extérieur, c'est rentré dans notre association, en fait. Je travaille pour notre association, on partage nos revenus, en considérant que c'est aussi important de faire la cuisine ou le ménage ou accueillir des personnes que gagner de l'argent. Voilà. En faisant à l'extérieur quelque chose. Voilà. Mais c'est une possibilité. On peut venir et travailler en partie à l'extérieur et remettre ses revenus à la communauté, par exemple. Alors moi, j'ai développé cette activité. Ce n'était pas avant. Avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, il y a des gens... Toujours qu'il y a des personnes qui vont au marché, par exemple. On vend nos produits sur les marchés, des produits laitiers. Fernando, le potier, il fait parfois des foires d'artisanat d'art ou il est présent dans une boutique. Sa vie, mais avant moi, il n'y avait personne qui réalisait des projets comme ça. C'est possible, mais je dirais, c'est peut-être pas facile de commencer comme ça. Quand quelqu'un peut intégrer la communauté, c'est peut-être mieux au début vraiment se plonger dans la vie communautaire parce qu'elle est exigeante en soi. Moi, j'ai fait ça au bout de plusieurs années d'expérience communautaire. Et justement, comment on intègre une communauté de l'Arche ? Si une personne ou une famille, un couple veut intégrer la communauté, ça se passe par étapes. Mmh. Il y a une année de ce qu'on appelle le long stage de volontariat. Et Après cette année-là, elle intègre déjà un peu l'économie, la vie économique de la communauté. Elle rentre dans nos réunions du cœur aussi, dans la plupart des décisions. Mais c'est encore une phase d'essai pendant 2 ans. On appelle ça un postulat. Mais, et après, voilà. Après, on s'engage, oui. Qui décide à l'Arche? Comment ça se passe, le processus de décision? Avant, on décidait à l'unanimité à l'Arche. Et c'était vraiment une aspiration très profonde et très noble, décider à l'unanimité. Seulement qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'une seule personne, qui a un autre avis, elle peut bloquer tout le monde. Ça peut devenir même la tyrannie d'une seule personne quelque part. Et du coup, on a abandonné cette décision d'unanimité en faveur du consensus. Alors le consensus, il faut que, en fait, chacun puisse vivre avec la décision, c'est ouais. ça? Donc, tant qu'il y a une objection vraiment profonde, ça ne passe pas. Oui. Et alors, quel lien vous faites entre votre passion pour le yoga et votre engagement dans l'Arche? Oui, moi, je vois beaucoup de similitudes, justement, ce qui concerne l'enseignement sur la non-violence. L'ahimsa, que Gandhi a repris, et ne pas nuire. C'est vraiment être dans le respect émerveillé de tout ce qui vit, respecter toute vie. C'est une notion qui est très forte aussi dans le yoga. Ça, pas beaucoup de personnes le savent, mais c'est une des attitudes de base dans le yoga, l'ahimsa. Et moi, je vois aussi tout ce travail qu'on fait sur soi en faisant du yoga, justement pour travailler sur ses émotions, être les transformer, pour s'apaiser, se recentrer. Pour moi, c'est un outil très puissant qui peut beaucoup m'aider aussi quand je vis des situations difficiles ou je pense même avant de s'engager dans une action, de refaire des exercices de respiration, se recentrer ou méditer, ça peut être très bénéfique. Et je vois aussi un autre aspect que nous, on le dit toujours en tant que professeur de yoga, dans les postures, nous essayons d'être à la fois douce et ferme. Et pour moi, c'est la même chose dans la non-violence. Pour moi, il y a cet aspect de douceur qui est plus ahimsa, peut-être, et cet aspect de fermeté où on dit non, non à la violence, on dit stop. Pour moi, les deux sont importants. Ça me fait penser à un poème de Lanza del Vasto que vous m'avez envoyé, des noces de l'eau et du feu. La vie est une douce brûlure. Au commencement des temps, le feu rencontra l'eau, son ennemi, et il s'unit d'amour avec elle en secret. D'où sont nés tous les vivants. Les plantes d'abord, flammes mouillées, et nous, les étincelles. Sève et sang sont eau qui flambe et feu qui coule. Feu sage, tempéré d'eau qui ne consume pas ce qu'il a pris, mais le compose, feu qui jouit et se recueille, feu qui pense. Oui, la vie est une douce brûlure. Alors, en quoi ce poème résonne-t-il particulièrement et quelle proximité personnelle entretenez-vous avec Lanza del Vasto, donc, qui a fondé il y a maintenant presque 75 ans les communautés de l'Arche et qui a été auteur, passeur de Gandhi, mystique chrétien et chantre de la non-violence? Alors, pourquoi j'aime bien ce poème? Moi, je trouve qu'il parle bien de cette conciliation des opposés. Conciliation et qui aboutit même à un amour, parce que le feu s'unit en amour à l'eau, ce qui semble presque improbable. Mais certains de mes invités m'ont parlé pour la non-violence d'amour ou d'amour en action. Finalement, la non-violence, elle a besoin de beaucoup d'amour et elle aboutit dans l'amour. Oui, ça se fait dans l'amour. En dernier, parce que peut-être avant, on peut même partir d'une colère, hein. On peut partir d'une colère face à une injustice, on peut partir de beaucoup d'objectifs plus politiques, etc. Mais en dernier, elle nous amène à l'amour. Et je pense qu'elle réussit seulement si on agit avec amour. Et alors, pour reprendre ma question, quelle proximité personnelle vous entretenez avec Lanza del Vasto? Alors, je ne l'ai pas connu. J'étais bien jeune quand il est décédé en 81, j'avais 14 ans. Et après, je dois avouer, au début, j'avais beaucoup de mal avec ces textes. En plus, j'ai fréquenté un groupe de l'Arche en Allemagne, on lisait ces textes en allemand. Déjà, en français, il n'est pas facile à lire pour les jeunes d'aujourd'hui, certains de ces textes, après, ça dépend lesquels. Et plus que ça va, plus que j'avance sur l'Arche, plus que je sens vraiment un respect très, très profond pour Lanza del Vasto, qui d'ailleurs est... Comme il a rencontré Gandhi, Gandhi lui a donné le nom de Shantidas, serviteur de paix. Et nous, on l'appelle Shantidas. Et je sens presque une tendresse quand je pense à lui. Et beaucoup de reconnaissance. Parce que je trouve qu'il avait vraiment eu une vision prophétique de ce qu'il allait arriver. Et aussi une vision prophétique quand il a fondé des communautés de l'Arche. Après, je suis assez sereine parce qu'il y a eu des moments à l'Arche où on avait besoin de prendre un peu de recul, quelque part se confronter au Père. C'était nécessaire parce qu'aujourd'hui, certains de ces textes, il faut le remettre dans le contexte historique. Ils sont très imprégnés par le catholicisme, par son époque. Mais l'essence de son message, je trouve toujours très porteuse et je suis, j'ai beaucoup de gratitude pour son héritage. Alors, vous avez eu des enfants qui ont grandi à La Flessière. Comment avez-vous pu concilier cette vie qui peut paraître un peu monacale avec l'accompagnement de vos enfants vers leur vie d'adulte? Oui, c'est marrant. Parfois, on nous donne ce retour. Est-ce que ce n'était pas une vie assez monacale? Mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Ce n'est pas mon vécu. Parce que pour moi, c'était toujours débordant de vie, avec plein d'événements improbables tous les temps. En fait, ce n'était jamais une routine tranquille, comme on peut imaginer un monastère. Peut-être un monastère, ce ne l'est pas non plus. Mais c'est vrai que nos journées sont marquées par le travail et de prière. Mais en dehors de ça... Il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps. Et il y avait vraiment de la place pour les enfants. Et pour nous, c'était très important de leur donner de la place, de les intégrer dans nos activités, dans nos fêtes. Et on avait fait le choix aussi de les scolariser. Parce qu'avant, il y avait une école à La Bourinoble. Quand il y avait encore le domaine de l'Arche, il y avait 3 communautés, en fait, avec beaucoup d'enfants. Et pendant de nombreuses années, il y avait une école à la communauté. La Bourinoble, qui est la communauté voisine. Oui. Et déjà, il n'y avait plus d'école à la communauté et je ne me voyais pas les enseigner à la maison. Du coup, on les a envoyés au village et c'est un bon choix, je pense, parce qu'ils étaient de cette façon bien intégrés au village. Et nous aussi, on s'est très impliqués dans la vie de l'école pour les kermesses. On a fait des jeux coopératifs pendant les kermesses. Après, on a invité des écoles, les classes ici. On les a fait découvrir la vie à la ferme, la vie simple. Nos enfants, ils ont vraiment participé à la spiritualité aussi, quelque part à l'action. Parfois, on les a amenés à des manifestations où on a eu, par exemple, ici, Jean-Baptiste Libouban, qui est décédé très récemment, mais qui était très engagé dans l'action non violente. Et c'est le fondateur des Faucheurs volontaires. Et il a eu des procès aussi, plusieurs procès. Il y en avait un qui était condamné parce qu'il a refusé de donner son ADN. Du coup, il y avait le procès à Montpellier. On a amené 2 de nos enfants, les 2 plus grands. On a réussi à rentrer dans la salle du tribunal. Ils étaient vraiment scotchés, très impressionnés, parce que des procès, c'est un peu du théâtre. Et on a eu un avocat, François Roux, qui était ensuite au tribunal international à La Haye. Et il a défendu Jean-Baptiste d'une manière extraordinaire. Alors, les enfants, ils étaient ravis. Et après, quand on est rentré à la maison, on ne les a plus entendus parler. Je dis, tiens, ça ne les marquait pas, ils n'en parlaient pas. Pendant 2 semaines, ils n'en ont pas parlé. Et au bout des 15 jours, ils sont commencés dans le buisson, ils sont commencés à faire une gendarmerie, un tribunal. Ils sont tous invités à cracher sur les trucs pour notre ADN, à faire notre empreinte. Et pendant 2 semaines, ils réjouaient, en fait. Oui, en fait, ça les avait beaucoup. Et ça les a marqués. Ils ont engagé socialement et ils ont une grande sensibilité pour la justice, etc. Donc moi, je vous ai parlé d'une vie un peu monacale et vous avez tiqué là-dessus. Moi, je loge à La Bourinoble. C'est un vrai retour à une vie simple, rustique, rythmée, vous l'avez dit, par le travail quotidien, par des tâches qui ne varient pas beaucoup, semble-t-il, d'un jour à l'autre. Comme ça, de l'extérieur, on a l'impression justement que c'est un long fleuve tranquille. Mais vous avez l'air de dire que pas du tout. Donc, j'avais envie que vous reveniez sur certains moments, peut-être des tempêtes que vous avez traversées, des moments peut-être de lassitude ou des périodes intenses de joie ou de peine que vous avez pu vivre au sein de la communauté de La Flessière. Alors déjà, la fête est très importante pour nous. Il y a les 4 grandes fêtes de l'année qui sont devenues des fêtes chrétiennes, mais c'est des fêtes cosmiques à la base. Fête du solstice, oui, de Noël. Oui, solstice, ouais. Et maintenant c'est la Saint-Michel, Noël, Pâques et la Saint-Jean. Au début, c'est des fêtes cosmiques. Et qu'on prépare avec beaucoup de créativité, beaucoup de soins, des chants, des danses, des théâtres, etc., des bons repas, la décoration. Et après, il y a toutes sortes de fêtes spontanées aussi. On va faire la fête des foins, la fête du jardin, on fête des anniversaires. Après, on fait de l'accueil. Ça veut dire qu'on accueille toutes sortes de personnes, des volontaires, des jeunes et des moins jeunes. Et on a parfois, j'ai l'impression, la société vient vers nous. Nous, on ne vit pas dans la ville, mais la ville vient vers nous avec toutes ses difficultés. Alors, on accueille aussi des gens qui sont en grande difficulté et après, il faut les gérer. Et après, il y a la vie communautaire qui n'est pas une longue fleuve tranquille non plus. Il y a eu des départs douloureux. C'est un deuil. Une personne avec laquelle on a partagé peut-être 2 ans ou 3 ans quand elle part, ça fait mal, mais quand ça s'est fait d'une manière apaisée, dans l'écoute mutuelle, quand ça accompagne, on peut quand même bien le vivre. On s'est formé un peu à la communication non violente et surtout, ce qui est très important pour nous maintenant, on s'est fait accompagner par une personne, une formatrice ATCC, c'est un institut qui forme des personnes à l'approche constructive de la résolution des conflits, quelque chose comme ça. On fait des régulations avec elle pour notre groupe de permanents. Très régulièrement, c'est comme une hygiène des vies communautaires qu'on fait. Ça aide justement à mieux vivre nos différences, nos tensions. Vous arrivez à mettre sur la table ce qui ne va pas. Oui, mais elle nous donne un cadre sécurisant. Et on arrive bien à se dire les choses. Parce que sinon, parfois, ça part, malgré nos meilleures intuitions, ça peut partir avec un coup de colère et on ne le dit pas forcément bien. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on le dit maintenant à l'Arche, que chaque groupe communautaire a besoin d'un regard extérieur. Et il y a eu des conflits. Il y avait une époque où, pour moi, c'était important d'avoir un peu plus de confort, notamment avoir une machine à laver. Et c'est devenu un petit peu un conflit, des grandes discussions, parce que pour certains, on lavait à la main, on n'avait pas de courant électrique de toute façon pendant longtemps. Moi, je lavais à la main pendant 15 ans, toutes les couches de mes enfants, etc. Et c'était OK pendant longtemps, ça avait du sens. Mais à un moment donné, j'étais très occupée quand même au jardin. Je donnais des cours de yoga, j'avais une fille qui jouait au foot. Bon, il y avait vraiment beaucoup de linge à laver, quoi. Et on s'était branché au réseau EDF. En mettant des plaques photovoltaïques sur un toit pour rester un peu dans une cohérence des choix. Comme souvent, chacun cherche un peu à se réaliser quelque part. Et moi, je voyais bien que j'avais plus d'énergie pour faire la lessive à la main, tout simplement. Et donc, ces discussions-là, ça a duré longtemps, parce que c'était un peu comme symbolique, le choix d'avoir une machine à laver. Bon, c'est loin derrière nous maintenant. On est vraiment passé à autre chose. Et je sens que ça a mis du temps à être dépassé, mais ça n'a entaché en rien mon amour que j'ai pour cette personne, l'amour fraternel, si on peut dire. Parce qu'il y a eu un conflit vraiment avec une personne à cause de ça. Oui, c'était plus une personne qui souhaitait. Les autres se sont placés plus ou moins. Je savais que c'était sur une chose matérielle qui était certes importante, mais ces conflits-là, dans notre communauté, j'ai l'impression qu'on peut les dépasser aussi peut-être grâce à notre pratique spirituelle que nous avons ensemble, au partage profond que nous faisons, on peut les dépasser sans que la relation en soi soit touchée. Et pour d'autres, ce qui est pas mal à la Flessière, il y a des gens qui continuent à laver à la main. On a toujours notre lavoir parce qu'ils trouvent pour eux c'est cohérent. Ils font la lessive beaucoup moins souvent que moi. Ils économisent certainement plus d'eau et ça leur convient. Et on peut coexister. Et je trouve que ça, c'est symbolique en effet, parce que dans la communauté de l'Arche, il y a une volonté d'utiliser le minimum de machines. Ça me fait même penser à un texte de Lanza del Vasto dans Le pèlerinage aux sources sur la machine. Vous voulez bien que je le lise ? Oui, je veux bien. La machine enchaîne, la main délivre. La machine a gagné l'homme. L'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. Ses gestes, ses désirs, ses peurs se mécanisent. Ses amours et ses haines, ses goûts et ses opinions, l'éducation des enfants, l'activité productrice, le sport et les divertissements, l'application des lois, l'armée, tout commence à tendre à l'inhumaine perfection de la machine. Quand vous aurez fait l'État une machine, comment empêcherez-vous un fou quelconque de s'emparer du guidon et de pousser la machine au précipice ? Quand vous aurez fait l'État une machine, il faudra que vous lui serviez vous-même de charbon. Quelle serait la réponse de l'Arche face à la prolifération et la prééminence technologique actuelle ? Mais on pense souvent aujourd'hui que Lanza a vraiment été prophétique. On sait ce qu'il a vu arriver, parce qu'il a vu ça arriver quand même pendant les années 50, où la France s'est engagée dans les 30 glorieuses. Voilà, tout le monde croyait à fond dans le progrès technique, technologique, la croissance économique. Il y avait peu de personnes qui osaient mettre un doute. Et lui, il voyait venir qu'on allait droit dans le mur. Et si on regarde l'état actuel de notre monde, on est allé droit dans le mur. Pour cette adoration de la technique et de la croissance, sans limite et sans conscience, sans responsabilité. Et l'Arche, elle est passée par plusieurs stades, je dirais. Il y avait cette première stade où ils étaient très, très radicaux, les gens de l'Arche. Voilà, vraiment une vie encore beaucoup plus austère que maintenant. Ils faisaient leurs habits eux-mêmes, enfilés ou roués, un peu à l'image de Gandhi. On faisait son bois, bien sûr. On n'achetait presque rien. On vivait avec le peu qu'on produisait. Après, petit à petit, bon, les familles, on a eu d'autres besoins. Ça s'est assoupli. On a vu aussi que certaines personnes vieillissaient. Ils avaient aussi d'autres besoins. Il y a aussi eu d'autres fondations des communautés qui ont fait d'autres choix, consciemment, mettre plus l'accent sur la formation, l'accueil, l'accompagnement de la personne et moins sur cette simplicité radicale. Et on a fait le choix aussi, à un moment donné, d'utiliser Internet pour être en lien avec les autres mouvements, c'était important, etc. Et je dirais que c'est maintenant qu'on recommence à avoir un regard critique là-dessus. On voit comment on est enchaîné, parce qu'on est vraiment enchaîné quand même par toute la technologie d'Internet et les réseaux sociaux, etc. Moi aussi, je passe beaucoup de temps maintenant par mon travail sur l'ordinateur. Et il y a des personnes qui nous disent, ces personnes qui travaillent beaucoup sur l'effondrement, et quand ils visitent notre communauté, ils disent, mais vous êtes en avance, vous avez un lavoir, vous savez encore scier à la main votre bois, vous savez cultiver. Pour moi, quelque part, l'approche de l'Arche est avant-gardiste, dans ce sens-là. C'est vraiment des choix de vie simples, pour des raisons écologiques, sociétales. Participer le moins possible à l'exploitation des autres. Pas acheter des habits qui sont fabriqués en Bangladesh, où la tour s'écroule sur les ouvrières. On est tellement interdépendants que c'est difficile, on n'y échappe pas complètement. Il y a plein d'initiatives qui sont importantes en ce moment. Et moi, je pense que l'important, c'est vraiment mettre en réseau, se soutenir dans ces différentes approches. Et un peu dans cette vision-là, nous avons organisé le Festival du Changement, là, début juillet, où on avait des très bonnes intervenantes et intervenants. Quelqu'un de l'ATTAC, une jeune militante à Alternativa. On avait aussi quelqu'un de l'écologie profonde, quelqu'un qui nous parlait de la gratuité. Pour moi, c'est très important que nous continuions à l'Arche à réfléchir comment agir avec d'autres. Et alors justement, ça fait partie de votre rôle, puisque maintenant vous êtes responsable international de l'Arche. Alors, en quoi ça consiste cette mission et qu'est-ce que vous souhaitez apporter particulièrement aux communautés de l'Arche et au reste du monde? Alors pour moi, c'est un mandat un peu qui se joue sur plusieurs plans. Déjà, je vois ce qui est important pour moi, c'est soutenir les groupes et les communautés dans les différents pays. On est plus nombreux en France ou en région francophone, mais il y a des groupes et des communautés de l'Arche dans 12 pays différents. J'essaie aussi d'accompagner les initiatives de ces groupes-là. Après, faire émerger aussi une vision commune. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on se recentre quelque part sur ce qui nous porte, au fond, ce qui nous donne de la force pour cette période qui est quand même difficile. C'est la spiritualité vivante, c'est les liens fraternels. Continuer à apporter l'expérience de l'Arche et un peu les visions de l'Arche au monde. Je ne dis pas qu'on a les solutions, mais je pense que l'Arche, elle a quelque chose à dire au monde aujourd'hui. Et vous relier à d'autres mouvements. Et nous relier à d'autres mouvements. Voilà, ça, je mets aussi de l'énergie là-dedans. Parce que maintenant, l'Arche fait partie aussi de ces collectifs Plus Jamais Ça. C'est un collectif en France où il y a vraiment assez inédit. Depuis la crise sanitaire, c'est des syndicats, il y a Oxfam, il y a des Amis de la Terre, Greenpeace, Alternativa, Le Man. Voilà, maintenant, il y a aussi l'Arche, on fait partie de ces collectifs. Après, on fait partie de Non-Violence 21 et on fait partie aussi de Colibri, ces mouvements des écolieux et communautés. Voilà, on essaie vraiment de se mettre en lien. Alors, on sait que les communautés de l'Arche sont d'inspiration chrétienne et gandhienne. Et quand je vois écrit dans un article retraçant le parcours de l'Arche depuis 20 ans, nous savons que non-violence et spiritualité vont de pair. Comment vous dialoguez avec des groupes de militants non-violents qui n'associent pas nécessairement, voire pas du tout, la spiritualité à la non-violence? Bon, déjà, nous avons cette approche spirituelle parce qu'elle est importante pour nous, parce que nous considérons qu'elle nous soutient, qu'elle nous nourrit et qu'elle nous porte justement dans la non-violence. Après, nous respectons parfaitement les groupes et les personnes qui n'ont pas cette approche. Et on n'a pas de difficultés de dialoguer avec eux. Ce n'est pas du tout un empêchement. Ce qu'on a remarqué souvent, les gens, ils ne se disent pas du tout spirituels, mais au fond, ils sont tellement respectueux envers l'autre, envers la vie avec un grand V, car on se retrouve parfaitement. C'est peut-être un peu particulier en France, si je peux faire cette petite parenthèse, que c'est une société très laïque, où même le mot spirituel peut heurter. Dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ce n'est pas du tout le cas. C'est un peu une spécialité française. J'ai remarqué ça en tant qu'Allemande. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut prôner la non-violence sans passer par un changement personnel? Alors, je pense que c'est difficile. Parce que le changement personnel, Bolanda, il a parlé à une époque où on n'avait pas beaucoup d'approches psychologiques. Mais aujourd'hui, on sait que nos blessures intérieures peuvent générer beaucoup de violence en nous. Et c'est, en fait, c'est un piège. Si on ne regarde pas son histoire ou ses blessures, ça peut se retourner contre nous. Déjà dans la vie en communauté ou en groupe, en couple aussi, mais aussi dans une action non violente. C'est important de se regarder soi-même et de les travailler avec différents outils. Et ça, c'est aussi une question que j'avais. C'est, il doit y avoir toutes sortes de façons de venir à l'arche. Mais est-ce que, pour certaines personnes, ça ne peut pas être une fuite aussi ou un refuge quand la vie a été trop dure? Et est-ce que dans ces cas-là, c'est possible? Est-ce qu'on peut fuir, en fait, à l'arche? Oui, ça marche un certain temps, mais après, ça se retourne contre soi. Après, ça éclate aux lumières du jour. De toute façon, ces problèmes, on les emporte avec soi dans son sac à dos, où qu'on aille, je dirais. Du coup, ça ne marche pas. Mais ça arrive, hein. Ça arrive souvent que les gens... Bon, je ne sais pas souvent, mais régulièrement, que les gens... cherchent un refuge ou sont besoin de ce qu'ils considèrent comme un havre de paix, et ça peut faire beaucoup de bien. Accueillir quelqu'un qui est plutôt en difficulté ou qui a besoin d'un moment de se réorienter sa vie, ça peut être très bénéfique. Passer quelques mois avec nous dans une communauté de l'Arche. Alors, nous en avons parlé, l'inspiration gandhienne est encore très prégnante dans les communautés de l'Arche. Alors, cela me donne envie d'approfondir les termes ahimsa et satyagraha. Vous avez un peu parlé déjà d'ahimsa, qui sont les deux volets gandhiens de la non-violence. L'ahimsa, j'aime beaucoup cette citation que vous m'avez envoyée de Gandhi. L'ahimsa n'est pas la chose simple et grossière qu'on a dépeinte. Ne faire de mal à aucun être vivant est sans doute une partie de l'ahimsa, mais ce n'est que le plus petit aspect. Le principe de l'ahimsa est enfreint par toute pensée mauvaise, par toute hâte justifiée, par le mensonge, la haine, le fait de souhaiter du mal à quiconque. On le viole également lorsque l'on retient pour soi ce dont le monde a besoin. Très exigeant. Oui, très exigeant. C'est une aspiration profonde. C'est le fruit d'une transformation intérieure qui est toujours en cours. Je ne pense pas qu'on va arriver durant notre vie de dire « ça y est, j'y suis ». Voilà, c'est une aspiration. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les gens des villages d'alentour nous appellent les non-violents sur la montagne. Et bon, on n'arrête pas de leur dire, bon, au moment donné, on leur dit plus, mais bon, on n'est pas non-violents, c'est des directions qu'on se donne. Oui. Mais on est loin d'être là. Pour ce qu'on appelle le satyagraha, donc c'est la force de la vérité, il y a une interview de Lanza del Vasto qui m'a semblé assez parlante, où il dit « La trame de l'action non-violente, c'est arriver à ce que l'homme se juge lui-même et s'arrête par lui-même. Ce n'est pas toi qui le force, c'est la vérité qui le force. Quand je dis « deux et deux font quatre », c'est une affirmation d'une extrême force, car elle ne dépend pas de ma bonne ou mauvaise volonté, de mes intérêts ou de mes passions. Si je peux arriver à reprendre une parole de l'adversaire où il a dit lui-même la vérité, cela peut être d'une grande force. » Alors, j'ai trouvé que c'était extraordinaire par rapport au moment présent, cette... citation, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un tel mensonge actuellement, on ne sait plus ce qu'est la vérité, où est la vérité. Comment démêler la situation de confusion dans laquelle s'est embourbée notre société? Et comment du coup agir pour lutter contre le mensonge et l'injustice? En fait, Lanza del Vasto, elle disait dans un autre moment que le satyagraha, en fait, c'est le combat, la lutte contre l'injustice, contre le mensonge et l'abus. Et pour moi, c'est un aspect très important. On ne peut pas passer à côté d'écouter sa voix intérieure profonde. Et ça, c'est vrai que ça ne se discute pas, quelque part. Mais quand je sens très profondément, mais nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans un abus, et c'est une situation qui est injuste, je dois me révolter contre cette injustice, contre ce mensonge, contre cet abus. Oui, mais ça, c'est votre sentiment. Ce n'est pas deux et deux font quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut, en théorie, remettre en question 2 et 2 font 4. Par contre, votre vérité, même si vous, vous sentez que c'est juste, bon, bah, vous allez agir selon votre vérité. Et ça, déjà, il faut beaucoup de courage. Mais je pense que la vérité, elle se dévoile à un moment donné. En ce moment, nous sommes encore dans une espèce d'obscurité où on a tellement d'informations contradictoires, où on a beaucoup, beaucoup de tensions, même au sein de nos familles, avec nos, parfois avec nos frères et sœurs, ou au sein des groupes d'amis, il y a beaucoup de déchirements, des tensions. Et c'est vrai que ça semble, la vérité est voilée, on dirait. Mais je pense qu'elle va se dévoiler, qu'on voit clair à un moment donné. Ce qui est juste. Et en attendant, on est obligé de vraiment agir en écoutant sa voix, mais en écoutant l'autre aussi. Ce que je regrette beaucoup, c'est le moment qu'il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus de débat démocratique possible dans notre société. On dirait, à ce sujet de la crise sanitaire, par exemple, la gestion de la crise sanitaire, et il n'y a plus d'écoute. On essaie de convaincre l'autre, et s'il n'est pas de mon avis, mais je lui rentre dedans. Souvent, c'est ça, où je le culpabilise, je le juge. Et je trouve ça assez grave hein, au niveau sociétal. Et je trouve ça très grave. Est-ce que vous vous sentez un peu protégée à l'Arche? Ah oui, je me sens privilégiée. Je suis privilégiée parce qu'on vit dans un lieu comme on vit dans la nature. On se considère comme une grande famille. On a assez de liberté de vivre notre vie telle comme on le conçoit. Mais est-ce que vous pensez que si des communautés comme l'Arche ou des écolieux grossissaient, ça deviendrait un danger pour le pouvoir? Est-ce que l'Arche est contestataire, juste dans sa façon d'être, du pouvoir? Oui, certainement. De vivre de cette façon, c'est quelque chose de révolutionnaire, même si c'est tout simple, c'est quelque chose de révolutionnaire parce que ça va à l'encontre des grands principes de cette société qui sont la croissance, le productivisme, le consumérisme. Et justement, on essaye de vivre d'autres valeurs, de mettre en avant le partage, la solidarité, le soutien des uns des autres, la spiritualité, le respect de cette ahimsa, le respect émerveillé de tout ce qui vit. C'est d'autres valeurs qui sont révolutionnaires en soi. Et est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur la non-violence gandhienne? En fait, on parle souvent d'ahimsa, on parle de satyagraha, la force de la vérité. Mais Gandhi, il avait une vision très très large de la non-violence qui incluait des modèles de société. En fait, il parlait aussi de Svadeshi, c'est l'autosuffisance ou de produire et consommer localement, le Svadeshi. Il y avait le Svaraj, c'est l'autodétermination ou l'autogouvernement, ce qu'on retrouve dans des projets communautaires, des écolieux. Et il y a le terme qui lui était cher, c'est le Sarvodaya, le bien-être pour tous. Pour moi, ces trois aspects sont complémentaires à cet aspect de Ahimsa Satyagraha. C'est vraiment, ça touche plus le vivre ensemble, le produire, consommer localement, l'autogouvernance, ça résonne avec gouvernance partagée, et le bien-être de tous. C'est une vision anarchiste, en fait. Anarchiste et profondément humaniste. Merci beaucoup, Margaret. Merci, Célia. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.